Chapitre 8. Vendredi soir. De toutes les choses surprenantes et merveilleuses qui arrivèrent ce vendredi-là, la plus étrange à mon esprit fut la combinaison des habitudes ordinaires et banales de notre ordre social avec les premiers débuts de la série d'événements qui devaient jeter à bas ce même ordre social. Si le vendredi soir, prenant un compas, vous eussiez décrit un cercle d'un rayon de 5 milles autour des carrières de Woking, il est douteux que vous ayez pu trouver, en dehors de cet espace, un seul être humain, à moins que ce ne fût quelque parent de Stent ou des 3 ou 4 cyclistes et des gens venus de Londres dont les cadavres étaient demeurés sur la lande, qui eût été en rien affecté dans ses émotions et ses habitudes par les nouveaux venus. Beaucoup de gens, certes, avaient entendu parler du cylindre, en avaient même causé à leur moment de loisir, mais cela n'avait certainement pas produit la sensation qu'aurait soulevé un ultimatum à l'Allemagne. À Londres, ce soir-là, le télégramme du malheureux Henderson, décrivant le dévissage graduel du projectile, fut reçu comme un canard, et le journal du soir auquel il avait été adressé, ayant, sans obtenir de réponse, télégraphié pour une confirmation de la nouvelle, décida de ne pas lancer d'édition spéciale. Même dans ce cercle fictif de 5 000, la majorité des gens restaient indifférents. J'ai déjà décrit la conduite de ceux, hommes et femmes, auxquels je m'étais adressé. Dans tout le district, les gens dînaient et soupaient, les ouvriers jardinaient après les travaux du jour, on couchait les enfants, les jeunes gens erraient amoureusement par les chemins et les savants compulsaient leurs livres. Peut-être y avait-il dans les rues du village un murmure inaccoutumé, un sujet de causerie nouveau et absorbant dans les tavernes. Ici et là, un messager ou même un témoin des derniers incidents occasionnait quelque agitation, des cris et des allées et venues. Mais presque partout, sans exception, la routine quotidienne. Travailler, manger, boire et dormir continuait ainsi que depuis d'innombrables années, comme si nulle planète Mars n'eût existé dans les cieux. Même à Woking, à Horsell et à Chobham, tel était le cas. À la gare de Woking, jusqu'à 1 heure tardive, les trains s'arrêtaient et repartaient. D'autres se garaient sur les voies d'évitement. Les voyageurs descendaient ou attendaient, et toutes choses suivaient leur cours ordinaire. Un gamin de la ville, empiétant sur le monopole des bibliothèques de chemin de fer, vendait sur les quais des journaux renfermant les nouvelles de l'après-midi. Le vacarme des trucks, le sifflet aigu des locomotives se mêlait à ces cris de « l'arrivée des habitants de Mars ». Des groupes agités envahirent la station vers 9 heures, racontant d'incroyables nouvelles et ne causèrent pas plus de troubles que des ivrognes n'auraient pu faire. Les gens en route vers Londres cherchaient, à travers les fenêtres des wagons, à apercevoir quelque chose dans les ténèbres du dehors et voyaient seulement de rares étincelles scintiller et s'élever en dansant dans la direction de Horsell, puis disparaître. Une lueur rougeâtre et une mince traînée de fumée se promenaient contre l'écran du ciel, et ils en concluaient que rien n'arrivait de plus sérieux que quelque incendie dans les bruyères. Ce n'était que sur les confins de la lande qu'on pouvait voir réellement quelque désordre. Là, sur la lisière du côté de Woking, une douzaine de villas étaient en flammes. Des lumières restèrent allumées dans toutes les maisons des 3 villages proches de la lande et les gens y veillèrent jusqu'à l'aurore. Une foule curieuse s'attardait, incessamment renouvelée, à la fois sur le pont de Chobham et sur celui de Horsell. Une ou deux âmes aventureuses, ainsi qu'on s'en aperçut après, s'avancèrent à la faveur des ténèbres et se faufilèrent jusqu'auprès des Martiens. Mais elles ne revinrent pas, car de temps en temps un rayon de lumière, semblable aux feux électriques d'un vaisseau de guerre, balayait la lande, et le rayon brûlant le suivait immédiatement. À part cela, l'immense étendue demeura silencieuse et désolée, et les corps carbonisés y restèrent épars toute la nuit sous les étoiles, et tout le jour suivant. Un bruit de métal qu'on martèle venait du cylindre et fut entendu par beaucoup de gens. Tel était l'état des choses ce vendredi soir. Au centre, enfoncé dans la peau de notre vieille planète comme une écharde empoisonnée, était ce cylindre. Mais le poison avait à peine commencé son œuvre. Autour de lui s'étendait la lande silencieuse, mal éteinte par places, avec quelques objets sombres à peine visibles, gisant en attitude contorsionnée ici et là. De distance en distance, un arbre ou un buisson brûlait encore. Plus loin, c'était comme une frontière d'activité au-delà de laquelle les flammes n'étaient pas encore parvenues. Dans le reste du monde, le cours de la vie allait son train comme depuis d'immémoriales années. La fièvre de la lutte, qui allait bientôt venir obstruer les veines et les artères, user les nerfs et détruire les cerveaux, était latente encore. Tout au long de la nuit, les Martiens s'agitèrent et martelèrent, infatigables et sans sommeil, à l'œuvre après les machines qu'ils apprêtaient, et de temps en temps, une bouffée de fumée grisâtre tourbillonnait vers le ciel étoilé. Vers 11 heures, une compagnie d'infanterie traversa Horsel et se déploya en cordon à la lisière de la lande. Plus tard, une seconde compagnie vint par Chobham occuper le côté nord. Plusieurs officiers des baraquements voisins étaient venus dans la journée examiner les lieux, et l'un d'entre eux, disait-on, le major Eden, manquait. Le colonel du régiment s'avança jusqu'au pont de Chobham vers minuit et questionna minutieusement la foule. Les autorités militaires se rendaient certainement compte du sérieux de l'affaire. À la même heure, ainsi que l'indiquèrent les journaux du lendemain, un escadron de hussards, 2 Maximes et environ 400 hommes du régiment de Cardigan quittaient le camp d'Aldershot. Quelques secondes après minuit, la foule qui encombrait la route de Chertsey à Woking vit une étoile tomber du ciel dans un bois de sapins vers le nord-ouest. Une lumière verdâtre et des lueurs soudaines, comme les éclairs des nuits d'été, accompagnaient le météore. C'était un second cylindre.